Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Je suis Dominique Montet, modérateur du podcast, et pour ce numéro, j'avais reçu, en mars déjà, le temps passe vite, Marie Roussin, scénariste entre autres sur L'Hôtel de la Plage, Odysseus et un village français. Dialogue d'auteur est un podcast réalisé en partenariat avec la Guilde française des scénaristes et la SACD et enregistré à la Maison des auteurs SACD. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur, cette fois-ci qui a été exceptionnellement enregistré pendant le festival Sérimania, au Forum des Images, avec Joanne Arsenault, scénariste québécoise. Mais pour tout de suite, je vous laisse avec Marie Roussin pour Dialogue d'auteur. Vraiment, j'ai fait des études de commerce, en fait. D'accord. Pas de rapport avec tout ça. Et après ça, je ne savais pas comment, vraiment par quel bout attaquer le morceau quand j'ai décidé de me mettre à écrire. Et du coup, j'ai commencé par un stage chez Scarlett Productions, où j'étais à la lecture des textes, en fait, au développement. Donc, je me suis familiarisée avec l'outil scénario, enfin, l'objet, quoi. Et voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois, pendant lesquels j'ai entendu parler de la formation au CEA sur le 52 minutes. Donc, j'ai fait la formation 52 minutes, qui était en 3 mois, formation continue. Après, je suis retournée chez Scarlett à mi-temps au développement. Et ensuite, plein temps scénariste. Voilà. Et justement, tu parles que tu savais pas trop comment faire pour arriver à l'écriture, mais justement, qu'est-ce qui t'a motivé à dire c'est ça que j'ai envie de faire, c'est les romans, le cinéma, En fait, j'écrivais toujours des trucs depuis toujours, pensant que c'était comme ça, un hobby. Et que ça faisait jamais un métier. Et puis, comme je faisais des études qui, pour le coup, étaient censées me former à un métier, mais que je voyais très bien que j'avais pas tellement envie de continuer dans cette voie, je me suis tout simplement posé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'aime vraiment depuis longtemps, profondément et tout ça. Bon, c'était écrire. Je regardais beaucoup de séries, pour le coup, depuis que j'avais 12 ans, en fait. À 12 ans, j'avais ma télé dans ma chambre. Donc, j'étais téléphage, beaucoup plus que cinéphile, parce que je suis peu allée au ciné, pour le coup. Donc, je rattrape mon retard tout doucement, mais maintenant, en fait, enfin, ces dernières années. Et du coup... non, voilà. Et en fait, c'était écrire et avant tout, raconter des histoires. Et comme j'aimais les séries, je me suis dit, c'est ça qui m'amuse. Et après, la question, c'était comment j'entre là-dedans. Parce que le risque, c'était qu'avec mon diplôme, si je commence en fait à travailler dans une chaîne, j'allais me retrouver vraiment côté exécutif, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, Scarlett, ça a été très bien, quoi. Et justement, à partir de quand tu t'es rendu compte que les séries que tu regardais étaient écrites par quelqu'un et que tu t'es dit, mais mince, je peux faire ça comme travail? C'est super comme question, je sais pas. Ça, le moment où je réalise qu'en fait, il y a des gens qui... Je sais pas. C'est pas moi, par exemple, ça me l'a fait sur X-Files, ça m'a beaucoup marqué avec le nom de Chris Carter qui arrivait à la fin et tu te dis, waouh, puis en fait, il y a quelqu'un. Oui, mais alors ça, moi non. Alors, X-Files, je m'en souviens très bien parce que c'était pile l'époque de mes 13 ans, donc j'avais déjà la télé dans ma chambre, donc c'était vraiment un grand rendez-vous pour moi et tout ça. Mais à l'époque, j'étais pas du tout consciente qu'il y avait quelqu'un derrière. Enfin, les noms, c'était un autre monde, quoi. D'accord. Ça existait, mais je savais pas comment ça se faisait. Ces études que tu n'aimais pas trop, tu les as faites j'aimais beaucoup. Jusqu'au bout. J'aimais beaucoup, j'ai adoré mes études. Ah, okay. Et j'ai fait 2 ans de prépa et puis 4 ans à l'ESSEC et j'ai adoré parce que c'est une école super. J'ai suivi une grande diversité de cours. C'est beaucoup plus ouvert et varié que ce qu'on peut imaginer. Enfin, il n'y a pas que des cours de compta et tout ça. D'ailleurs, il y avait un cours sur les films, en fait, mais pas sur le cinéma, mais c'était un cours de comportement humain étudié à travers des films, en fait. C'était assez génial. Enfin, bref, donc il y a des cours vraiment variés. Donc j'ai adoré mes études. En revanche, j'avais pas du tout envie de bosser en marketing. En fait, j'ai travaillé 2 ans en banque quand même, mais en ressources humaines. Mais 2 ans en ressources humaines en plus. Ah mon Dieu, quelle horreur. Voilà, j'avais Jérôme Kerviel dans mes fichiers. C'est vrai. J'étais à la Société Générale. Mais enfin bon, évidemment, c'était juste un nom parmi je ne sais pas combien à l'époque. Donc autant dire que je ne savais pas encore, qu'il allait devenir. Voilà. Mais ouais, j'ai travaillé 2 ans en ressources humaines à la Société Générale en alternance hebdomadaire avec mes études à l'ESSEC. Si jamais il y a un biopic qui se fait sur Kerviel, tu pourras dire j'ai bossé avec lui, hein, je peux le faire. Ouais, voilà, je peux. Je peux l'écrire. Mais ouais, non. C'est dingue. Ouais, c'est marrant. Mais. Et là-bas, j'écrivais déjà pas mal, en fait, parce que j'avais à beaucoup... C'était une erreur, justement, une vraie grosse erreur de ressources humaines, ce qui est assez marrant. Ouais. Mais pour le coup, la vie de bureau, d'ailleurs, j'avais développé un format court oui, là-dessus. J'imagine. Enfin, j'ai des choses à dire. Oui, je comprends bien. Ouais. Voilà, donc je suis passée de la Société Générale au CEA et... Voilà. C'est pas le même univers. Ça m'a mieux réussi d'écrire, ouais, c'est sûr. Et après le CEA, comment ça s'est enchaîné en fait ? Alors ça, c'était un peu un coup de bol, c'est-à-dire que je suis arrivée pile au moment où on ne parlait que du 52 minutes. Oui. C'était vraiment le grand nouveau truc et on commençait à parler de jeunes auteurs qui étaient plus habitués aux 52 minutes parce qu'ils avaient grandi avec. Enfin bon. Et j'arrivais vraiment pile à ce moment-là. Au CEA, à la fin des 3 mois, on voyait une dizaine, quinzaine de producteurs. L'avantage de cette formation, c'est que c'était vraiment hyper pro tout de suite. Mmh. Pendant les 3 mois, on avait développé une bible de série. Et du coup, qu'on pitchait aux producteurs. Et ma série avait intéressé quelques producteurs, donc il a fallu que j'ai un agent pour m'aider à choisir et à signer le contrat d'option et tout ça. Et ça a un peu commencé comme ça. La série s'est jamais faite, mais j'ai signé une option. Ça a été ma première carte de visite, entre guillemets, pour faire lire. Voilà. Et t'avais quoi ? T'avais juste une bible ou t'avais un premier épisode déjà décrit ? Non, justement, non. C'était à l'époque, je sais pas maintenant exactement ce qu'ils font au CEA, mais sur cette formation en 3 mois, mais à l'époque, on écrivait juste la bible. D'accord. Donc, après, moi, j'avais déjà plein d'éléments de mon pilote en tête, donc je m'étais amusée à dialoguer des scènes et tout ça, mais pour le coup, ça, c'était pas. Ça, j'ai pas fait lire. Enfin, d'accord. J'ai fait lire vraiment la Bible, il y avait le concept, les personnages, des arches. Enfin, c'était quand même des grosses Bibles qu'on faisait. Et ton agent, tu l'as démarché toute seule ou Mon agent, on t'a mis en relation ? Non, c'est un producteur qui m'a mis en relation avec elle. C'est Lisa Riff, mon agent. Voilà. D'accord. Et ensuite, c'est là où c'est un peu des coups de bol, c'est que, c'était donc cette période du 52 minutes qui s'est vite refermée, en fait. Enfin, il y a eu une espèce d'excitation à un moment. Alors, le 52 minutes, heureusement, on n'y a pas renoncé, mais je veux dire, il y a eu une espèce de vague comme ça. Et donc, j'étais pile là-dedans. Et puis, c'était aussi le truc des ateliers d'écriture. Alors, bon, là, on en parle, mais on commence à s'organiser différemment. Mais à l'époque, c'était vraiment les balbutiements de tout ça. Et y a un scénariste qui s'appelle Franck Olivier, qui a beaucoup travaillé pour TF1, qui développait un 10 x 52 minutes. Et il a voulu le développer en atelier. Et ma formatrice au CEA, qui était Judith Louis, qui a été ensuite à la direction de la fiction d'Arte, lui a donné mon nom. Et du coup, j'ai rejoint cette équipe de 10 scénaristes pour développer ce 10 x 52 minutes, qui ne s'est jamais fait non plus. D'accord. Mais c'était quoi comme série ? C'était une série d'action, vraiment, genre thriller action. D'accord. Ok. Ouais. Non, mais... Voilà, donc et là où je dis que c'est du bol, c'est que... J'ai commencé comme ça, donc j'ai rencontré plusieurs auteurs, et puis les tout premiers projets sur lesquels m'a mise mon agent, c'était avec des gens différents à chaque fois. Et ça, enfin moi je considère que c'est un coup de bol parce que ça m'a fait connaître pas mal de gens plus vite. Donc quand on me rappelait pour bosser sur des projets, c'était des trucs très différents, dans des groupes d'auteurs très différents. Et du coup, voilà, ça, je pense que ça a aidé. Dans tes premiers projets, j'ai vu, il y avait Paris 16. Ouais. C'était bien passé, Paris 16. Je me suis fait virer. On peut je dire me suis que fait ça virer s'est pas très bien très passé. Très vite. C'est vrai. Assez vite, ouais. Bah, Paris 16, j'ai appris énormément, donc je peux pas. Enfin, je veux dire, ça s'est mal passé dans le sens où bon, je me suis fait virer, donc on n'aime pas se faire virer, quoi. Non. Mais c'est une blague régulière, hein, parce que le scénariste qui m'a viré est un pote aujourd'hui, et on n'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'on bosse ensemble. Donc il y a vraiment pas de malaise, Comment peut-il oser? mais à l'époque c'était pas un pote. À l'époque c'était J'imagine. vraiment mon boss. Je le connaissais pas du tout, et non, bah je faisais pas ce qui correspondait à la série, quoi. Ouais. Et du coup, enfin très simplement, mes textes, il fallait qu'ils les réécrivent beaucoup trop. C'était beaucoup trop de temps perdu pour eux, et j'étais quand même jeune, donc en fait, je comprenais à moitié seulement le côté. Tu décides pas, en fait. Tu t'acharnes pas quand tu es persuadé que tes propositions sont mieux. En fait, t'obéis, quoi. Tu es dans un atelier, tu as un boss, t'obéis. Et je pense que je le comprenais, mais à moitié. Enfin, je le sentais, mais j'étais trop convaincue par quand même mes trucs. Donc ils étaient là, bah écoute, c'est très bien, mais c'est une autre série que tu nous fais. Donc va faire d'autres séries ailleurs, C'est quoi. pas évident de se calquer à la voix d'une série préexistante. C'est Ouais. Enfin, un peu moi, compliqué. alors j'adore le faire en fait aujourd'hui, et je Oui. pense qu'aujourd'hui je le fais beaucoup mieux. Mais à l'époque, voilà, je pense que je comprenais pas bien. Enfin, c'était très clairement de leur part une très bonne décision, je dirais managériale et de scénariste de me virer, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. T'as travaillé aussi sur les bleus? J'ai travaillé sur Les Bleus sous la direction de Fanny Herrero. Ouais. Et ça aussi, ça a été une super aventure. Ça aussi, non, t'as pas été viré là. Non, ça aussi, ça a été une super D'accord. aventure, parce que bon, c'est finalement Paris 16, aujourd'hui, j'en garde quand même un bon souvenir, en fait. Ouais, c'est formateur, quoi qu'il Bah, arrive. c'était hyper formateur, Bien sûr. ouais. Et les Bleus, non, les Bleus, ça a été formidable parce que Fanny, elle s'est créé un esprit d'équipe, elle a vraiment ce truc-là, donc on se sentait très très protégé par elle. Qui avait largement prouvé son talent sur cette série dans des saisons précédentes et tout ça, et qui nous encadrait très très bien. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on rejoint une équipe sur une série comme ça, où il y a, là pour le coup, c'est pas Paris 16 où il y a 10 000 épisodes, c'est vraiment une saison, machin. Donc on a le temps, enfin on sait qu'on est une équipe, et c'est très important, ouais, de se sentir protégé par le directeur d'écriture, en confiance. On propose des choses, ça va pas, il nous explique pourquoi. Et lui est l'interface avec la prod, la chaîne et tout ça. Quand on est jeune auteur, en plus, je pense que c'est vraiment très important. Justement, c'était une. Est-ce que ça fonctionnait en salle d'écriture? Non, Non? non, non, non, on n'avait pas d'atelier à proprement parler, on n'avait pas de salle Aviez d'écriture. des réunions? Voilà. Voilà, d'accord. Fanny avait écrit les arches et on s'était vus plusieurs fois en réunion, mais vraiment pas tellement. Après, on partait sur D'accord. nos épisodes. Et puis elle, on la revoyait ensuite. Mais ouais, voilà. Individuellement, d'accord. Ok. Et vous étiez plutôt tous plus ou moins des jeunes auteurs ou c'était un petit peu plus de. C'était varié. Il y avait. Non, il y avait des auteurs qui avaient déjà de l'expérience. Il y avait Benjamin Dupas qui avait déjà bossé sur plein de trucs avant. Il y avait Cook Dantran qui avait bossé déjà sur du Riz et sans doute d'autres choses avant. Et puis il y avait des moins expérimentés. Ouais. C'était assez varié. Et les arches étaient toutes définies par Fanny. Les arches étaient Vous définies. Ouais. pouviez apporter des choses ou ça se passait comment? Bah on peut toujours apporter des Oui, choses, oui. mais l'idée c'était que tout le feuilletonnant sur les personnages était déterminé. Après D'accord. nous, je sais pas, là comme ça, je me souviens pas forcément très bien, mais si dans notre épisode le vrai élément important c'était de, il fallait que deux personnes qui ne se connaissaient pas jusqu'à présent se rencontrent dans notre épisode, enfin se rencontrent réellement pour la première fois, ont un vrai échange et tout ça. Nous, on avait sans doute la liberté d'imaginer comment cette étape-là allait se faire, mais on savait qu'il fallait que dans notre épisode, enfin, il fallait qu'à la fin de notre épisode, ces deux personnages-là se soient parlé et eu un vrai échange. Après, nous, si on décidait de faire qu'ils se rencontrent par hasard, par je sais pas quoi, de créer tout un truc, que ça commence sur un conflit entre eux, hein, ça, on pouvait proposer ce qu'on voulait. Et ça arrivait des fois que, justement, elles vous disent, bon, là, ils doivent se rencontrer, à la fin, ils doivent être plus ou moins proches, et que tu dis, non, mais je l'ai écrit, en fait, ils peuvent pas se blairer. Vous aviez ce genre d'argument ou pas du tout? Ah bah non, là pour là... le coup, je pense que ça, c'est l'erreur que j'aurais pu faire sur Paris 16, mais là, non, là, on savait, enfin, c'était très, les arches étaient super bien foutues, c'était... On savait où nos personnages devaient arriver à la fin des épisodes. T'as écrit combien d'épisodes sur... 2 sur cette saison, co-écrit, hein, avec Antonin Martin-Hilbert. D'accord. Qui était un ancien ESSEC aussi, et ancien CEA aussi. En fait, on s'est suivis tout le temps. Enfin, il était une promo au-dessus de moi, d'accord, ou deux promos vous au-dessus de moi à l'ESSEC, même... et après, il était après moi, dans des promos après moi au CEA. D'accord. C'est marrant. Après, t'as toute une période avec Odysseus, Cut, Un village français. Comment Alors pas du tout aux mêmes périodes. Pour le coup, il y a eu vraiment Odysseus d'abord. Ouais. Donc ça, créé par Frédéric Azémar. On a beaucoup travaillé en atelier au début, et puis ensuite, c'est le moment où je suis partie aux États-Unis. Mmh. Je suis partie un an et demi à Los Angeles. Et l'écriture s'est interrompue un moment, a repris sous la direction cette fois de Frédéric Krivin. On a refait des ateliers. Alors moi, c'était un peu un coup de bol, mais les ateliers ont commencé à la période de Noël. Donc j'étais de retour en France. Donc j'avais décalé de 2 semaines en fait mon retour aux États-Unis pour au moins faire les 2 premières semaines d'atelier avec l'équipe, et ensuite j'essayais de suivre sur Skype, mais c'était des heures vraiment indécentes pour moi là-bas. mais bon, j'avais envie de suivre les... et voilà. Voilà pour Odysseus. Ça a continué longtemps, puisque au départ on était parti sur 6 épisodes, puis on a eu 12. Fausse deuxième saison. Oui, une fausse deuxième saison. Ouais. Gérée par Olivier Cohn cette fois-ci. Quoi. Voilà, et Flore Cosinette. Ouais. Et où cette fois je coécrivais un épisode avec Olivier Dujol. D'accord. Et avant j'avais coécrit avec Fanny et Florent Meyer. D'accord. Fanny Herrero encore. Chaque fois en co-écriture, en fait. Oui, j'ai écrit un épisode, je peux même pas dire seul, parce qu'en fait, Frédéric Krivin, qui avait du coup écrit un pilote, devait écrire un deuxième épisode qu'il avait commencé à écrire, mais finalement, il a arrêté la série parce qu'il avait trop de trucs à côté. Et du coup, j'ai repris son épisode. Donc ça, je l'avais écrit seul au final, mais à partir de ce qu'il avait commencé. Et justement, à chaque fois, en fait, tu te retrouves enfin, tu t'es retrouvé en tout cas à travailler sur des binômes différents. Oui. Comment tu fais tu as une méthode de travail en duo où tu t'adaptes vraiment à la personne avec ça qui tu es? Ça change complètement. Ouais, ça change énormément. Comment ça se passe justement? Alors j'ai celui que j'appelle toujours mon co-auteur historique parce que finalement c'est le premier. Je l'ai rencontré dans la formation au CEA. Frédéric Faure, on a beaucoup coécrit ensemble. Très vite, en fait, l'un des plus gros projets sur lesquels j'ai bossé, je ne sais même pas s'il apparaît dans mon CV, sans doute pas, mais c'était un 22 x 52 minutes pour TF1. Waouh! 22 x 52. Voilà, qu'on avait créé avec Fred. Ça a été vraiment génial, en fait, ce truc-là. C'est qu'on avait écrit une bible avec un traitement du pilote très vite, enfin dans la bible était il y avait en gros le synopsis, c'était même vraiment un synopsis super détaillé du pilote, et ça plaît à TF1 qui commande direct un pilote dialogué, ce qui était rare en fait. Donc pour nous vraiment génial, parce que à l'époque, maintenant je pense que ça va un peu mieux, mais à l'époque les dialogues ça arrivait tard, quoi, enfin il y avait beaucoup de développement, beaucoup d'étapes avant. Et des réécritures de Bible qui ne servent pas à grand-chose. Et du coup, là, on est tout de suite passé au pilote. On s'est éclaté sur ce pilote, qui est encore un épisode que je relis avec plaisir aujourd'hui. Et là, c'est pile le moment où André Béraud est arrivé chez TF1. Et lui, il lit le pilote et dit, bon, super, on commande les arches des 21 épisodes suivants. La pression. Arche, super détaillée. Ouais. Ouais. Donc, c'était des mini-synopsis. Donc là, la prod, par sécurité, mais ils avaient raison, hein, on était des jeunes auteurs quand même, là, c'était vraiment au début, a fait appel à deux auteurs beaucoup plus chevronnés, Robin Barato, ouais, et Jean Renard, et qui nous ont encadrés sur cette écriture. Et donc, on a écrit des arches, mais vraiment très détaillées, des 21 épisodes qui suivaient, donc ça a duré des mois, puisqu'après il y a eu des synopsis, commande des 12 synopsis, enfin des 11 synopsis. Ah, ouais. Et ça a duré combien de temps tout ça? Et ça a dû durer, je sais pas, entre la... Je pense qu'il y a eu 6 mois, non, peut-être... Peut-être 6 mois entre le moment où on a eu la commande du pilote dialogué et puis le moment où on en est arrivé à des synopsis de 12 épisodes, je crois, en passant par les arches détaillées, puis les synopsis, parce qu'il y avait plein de détails. Où on a fait appel à d'autres auteurs, hein, du coup, ouais, à partir du moment où il y a eu des arches détaillées et des synopsis. Enfin, les arches, on les a écrites avec Fred, mais tous les deux, mais ensuite des auteurs nous ont rejoints. Et voilà, et là, ça s'est arrêté, parce qu'André Béraud est parti. Voilà. Mais c'était génial. En fait, moi, je pense que c'est au final la série, enfin, en tant que créatrice, disons, oui, qui, bon, elle a jamais vu le jour non plus et tout ça, mais sur laquelle je suis allée le plus loin, presque, parce que j'ai jamais écrit un pilote dialogué et des synopsis des 21 suivants, quoi. Et c'était ça, enfin, les arches étaient tellement détaillées que c'était des synopsis des 21 suivants. Donc enfin, moi, je me suis éclatée en tant qu'auteur, mais c'était du polar, c'était quoi? Non, c'était du drama avec un fil rouge polar. C'était sur deux frères, en fait, un, ouais, jeune adulte et un grand mineur, et la mort de leurs parents, et toute une histoire avec un oncle qui débarquait dans leur vie et qu'ils ne connaissaient pas avant. C'était vraiment super. Vous n'avez jamais réussi à le... Enfin, est-ce que tu essayes de replacer ce projet, ou est-ce, non, qu'il est bloqué quelque, alors, part, oui, ou... oui, parce, ouais, que c'était le point de départ, enfin, ce qui est le travail d'un producteur, hein, mais l'idée de départ venait d'un producteur. D'accord. Et du coup, c'est lui qui a tous les droits, je crois. Bref, on n'a jamais... Enfin, je sais pas. Oui, de toute façon, on a cédé nos droits puisqu'on avait beaucoup avancé dans l'écriture. Donc, il y avait contrat de cession de droits. Du coup, c'est lui qui a tout. Et je sais pas, non, on s'est jamais revu depuis. Donc, on s'est jamais dit, essayons de refaire ça. Mais c'était super. 22 fois 52. Mais pour le coup, ça aussi, en termes d'expérience, c'est génial. Oui, bien sûr, C'était vraiment, c'était formidable, quoi. Ça va, il n'y a pas de gros sentiment de frustration de se dire que c'est ou est-ce que la satisfaction du boulot en lui-même Déjà, grosse satisfaction, oui, sur le boulot en lui-même. Non, en fait, le vrai moment difficile, ça a été au départ de Béraud. Ils n'ont pas arrêté net. Et on a eu un rendez-vous vraiment fou, où on essayait de changer, enfin, pour être très, je vais essayer d'être super synthétique, mais le concept essentiel, c'est ça reposait vraiment sur un antagonisme entre le grand frère et l'oncle qui débarquait sur la garde du petit frère, en fait. D'accord. Et c'était ce qui tendait tout, et en gros, le petit frère, qui était encore mineur à la mort des parents, se retrouver à vivre chez cet oncle qu'il n'aimait pas du tout, enfin, qu'il ne connaissait pas, et il est dans le rejet tout de suite, immédiat et tout ça, qui est marié à une espèce de conne, qui a, bon, et du coup rejette cette espèce de nouvelle famille en bloc dès le départ, et son grand frère qui est partagé entre sa vie d'adulte qu'il doit mener, la responsabilité qu'il a pour son petit frère, et tout ça. Et donc tout le conflit voilà, était sur où, comment, enfin, qui a la responsabilité de ce môme, comment. Et en gros, la réunion après le départ de Béraud, ça a été bon, ce qu'il faudrait quand même, c'est que cet enfant qui perd ses parents et tout ça, puisqu'il se retrouve dans cette famille, la famille de son oncle, qui était très riche, qui avait une très belle maison, il faut quand même que cette maison, ce soit la maison du bonheur, il faut qu'il l'aime. Et du coup, peut-être que l'oncle, enfin, faudrait que ce soit un personnage très positif, très maternel, on pourrait peut-être en faire une tante. Oh punaise. Et faut que ce soit la maison du bonheur. Et du coup, on était là, mais c'est-à-dire que s'il est très heureux d'aller dans la maison du bonheur, on n'a plus de série, quoi. C'est un peu comme faire une série de guerre, mais en fait, ils savent des fleurs plutôt que de se tirer dessus. On perd un peu de conflit, là, il y a un problème. Et du coup, là, les bras nous en étaient tombés quand on était... Du coup, là, ça a été le pire moment parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, oui. On se retrouve vraiment dans des situations terribles parce que le prod, évidemment, en fait, il a qu'une envie, c'est quand même de faire la série. Hein, bien sûr, c'est oui. Un peu, malheureusement, à tout prix, parfois. Et nous, bon, c'est compliqué aussi de se dire on est si proche, enfin parce qu'on avait quand même tellement avancé qu'on se sentait assez proche de faire la série. Et en même temps, mais là, le changement était tellement radical. Il y avait plus de série, quoi. Ouais, enfin, non seulement il fallait absolument tout réécrire, et puis il y avait quand même plus de conflits, donc plus de concept, quoi. Il y avait quand même un gros problème. Bon, et heureusement, du coup, ils ont arrêté tout de suite après, en fait. Vraiment heureusement, quoi. Oui, c'était presque une façon de le aimable sais, ouais. À eux de dire, oui. Mais en fait, on n'a pas envie de faire ça. En fait, quoi. Finalement, peut-être que vous avez raison, ça change trop, il vaut mieux pas, mais heureusement. Ouais. Ton expérience à Los Angeles. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, je suis partie. J'ai suivi une double formation en fait là-bas. Ouais. Je m'étais inscrite dans un certificat, ça s'appelle, en production. C'était la formation UCLA Extension, donc c'est des cours, c'est une formation continue aussi en fait. Ouais. C'est des cours le soir. Majoritairement le soir, pour des gens qui bossent, justement. Ouais. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une grande différence entre les étudiants internationaux comme moi et les Américains qui suivaient ces cours. C'est-à-dire que les Américains, nous, en tant qu'étudiants internationaux, on était obligés de s'inscrire à tout un corpus de cours. Avec des cours fondamentaux obligatoires et puis des cours au choix pour compléter, enfin un certain nombre de voilà de cours au choix. Et les Américains, eux, pour le coup, ils pouvaient juste s'inscrire pour un cours et c'est tout. D'accord. Un cours qui durait 3 mois. Chaque cours durait 3 mois, en fait. C'était pourquoi par parce trimestre. Parce qu'ils venaient d'un cursus qui leur permettait de zapper certains aspects ou non, je crois que c'est vraiment des questions légales. Quand on est étudiant étranger, qu'on a un pour visa, justifier, on est obligé d'être tant d'heures, machin. D'accord. Et eux, c'est vraiment des cours à la carte du soir, presque. D'accord. Et... du coup, il y avait des profils très très différents, ce que moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y avait, moi j'étais avec des gens plus jeunes que moi, souvent les étudiants internationaux qui étaient plus jeunes, et il y avait tout. Du coup, il y avait des gens passionnés qui voulaient vraiment vraiment faire quelque chose de ces cours, d'autres sans doute qui allaient un peu plus parce que le cinéma c'est cool et c'est Los Hollywood, Angeles, youpi. Voilà. Mmh. Et pour le coup, les Américains, c'était hyper pro parce que ouais. Eux, c'était vraiment bon. Bah, je prends ce cours parce que je suis monteur depuis 15 ans, mais je me demande si je vais pas me diriger vers plus la post-prod, d'autres aspects de la. Enfin, donc je prends un cours de post-prod très précis. Enfin voilà. Donc ça, enfin moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc j'ai suivi un cursus en production, donc ouais. Voilà, les cours de post-prod, les cours de voilà. Et direction de production et tout ça, et ensuite des cours d'écriture. D'accord. Et les cours d'écriture, ça, moi, pour le coup, je les prenais vraiment à la carte parce que j'allais pas refaire. Enfin, si je m'étais inscrite dans le cursus, j'aurais eu quand même pas mal de cours de débutants, et comme ça faisait déjà quand même. Oui, j'avais déjà eu ma formation au CEA, ça faisait déjà 3 ans et demi que je travaillais comme scénariste. Donc, Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. J'ai appris énormément. J'ai rencontré des gens passionnants. Il y avait des cours. On en faisait vraiment ce qu'on voulait, en fait. C'est que moi, les cours, j'ai tout gardé. Hein. Il y a des trucs que je ressors encore aujourd'hui. Ouais. Je me replonge parfois dans mes notes. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les cours d'écriture, on passait très, très, très vite au concret. En fait, il y avait. Alors, j'avais suivi un cours pour développer un projet, Mais l'idée de ce cours, c'était presque un cours en deux parties. En fait, les trois premiers mois, c'était vraiment développer le projet, donc ce qu'on appellerait la Bible en France. Voilà. Mais en vrai, c'était déjà en vue d'écrire un pilote. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, on était censé presque avoir une outline, enfin une sorte de... Et là-bas, ça tend plus vers le pilote que vers la Bible, en fait. Enfin, de toute façon, la finalité, c'est un pilote. Hein. Là-bas, c'est toujours... Donc, la Bible sert à écrire le pilote, s'écrit en même temps que le pilote, presque. Enfin, c'est un peu... Et justement, vu que les expériences sont très différentes là-bas par rapport à ici, qu'est-ce que tu as pu ramener, en fait, en dehors de ton développement personnel? Est-ce qu'il y a des méthodes qu'aujourd'hui tu appliques, que tu as apprises là-bas, qui ne sont pas forcément des méthodes qu'on a l'habitude d'appliquer ici? Il y a une grande rigueur, même dans le formatage des textes, qui est très très différent. Tu ne travailles pas sous Word avec de l'italique. Voilà, je continue en plus parfois sur certains projets de travailler sur Word, mais là-bas, c'est, ils nous regardent vraiment comme des aliens, quoi, quand on dit qu'on n'est pas tous sur le même logiciel et tout ça. Il y a donc beaucoup de rigueur, et ça, c'est, je l'ai retrouvé quand j'ai bossé aux États-Unis après, vraiment dans le formatage, beaucoup de rigueur dans, enfin, comme ils travaillent beaucoup sur des specs, donc qui sont des épisodes bidons, disons, des épisodes pilotes, mais de séries qui existent déjà. Là, pareil, une grande rigueur dans l'observation de ce qui a déjà été fait, de quels sont les vrais codes de la série, ce qu'on retrouve dans chaque épisode, forcément. Donc, une très grande... Donc, vous avez beaucoup décortiqué d'épisodes de séries existants. Sur la base de quoi? D'une vidéo? Sur la base de script? On a... moi, par exemple, je travaillais sur un spec de Californication. D'accord. Donc, les épisodes de la première saison et de la deuxième saison de Californication, je les connaissais par cœur. Donc beaucoup de scripts, justement, parce que ça, c'est très intéressant aussi. C'est pas seulement regarder l'épisode, mais vraiment lire le pilote, parce qu'il y a un style aussi. Alors après, même dans la rédaction, voilà, des lignes de didascalie, hein, par exemple. C'est très marrant de voir d'un auteur à l'autre à quel point le style peut changer. Et j'ai retenu un exercice dont je parle tout le temps parce qu'il m'a vraiment marqué, j'ai trouvé ça super. C'était l'idée, quand on travaille sur une série dont il y a déjà des épisodes produits, pour se familiariser avec la musicalité des voix des personnages, l'écouter sans le regarder. Oui. C'est-à-dire, moi je me souviens, il y a beaucoup d'embouteillages à Los Angeles, donc quand j'allais en cours, je mettais mon ordi sur le siège passager et j'écoutais, il était tourné, donc je ne voyais pas l'écran, et j'écoutais des épisodes de Californication dans ma bagnole, quoi. Et c'est un excellent exercice. Ah, c'est marrant, ça. C'est quelque chose que tu continues aujourd'hui à appliquer quand que, tu j'ai dois, fait, ouais. Ouais. Que j'ai fait. Ouais, sur Borgia notamment. Sur Borgia, d'accord. Ouais, justement. Par exemple. Borgia, c'est arrivé plus tard. Il y a eu un village français entre les deux. Donc Borgia, on a eu... j'ai travaillé sur la dernière saison, la troisième et dernière saison. Donc, quand je suis arrivée, j'avais cette facilité, disons cet avantage d'avoir quand même deux saisons de script à pouvoir lire. Ouais. Et d'épisodes à pouvoir regarder. Donc j'avais les deux, et c'est là qu'en effet je me suis amusée à écouter quelques épisodes. À réappliquer ouais. Ce que tu avais appris. Ce qui était hyper marrant avec Borgia, c'est que j'écrivais en anglais, mais c'est un anglais qui n'existe pas. Non. C'est un langage fantasmé de l'Italie de la Renaissance, donc, en plus du Vatican, donc plus particulier. Et ça, peut-être qu'au final, c'était presque plus facile pour moi, parce que c'était... Qu'un Américain... Si j'avais dû dialoguer des Texans, enfin, j'en sais rien, c'est que moi, mon niveau d'anglais, enfin, je le dis tout le temps, hein, je parle très bien anglais, et j'écris en anglais, donc... Mais je ne suis pas née là-bas, je n'ai pas grandi aux États-Unis. Non, tu n'as pas les spécificités de langage Je dialogue. En tout cas, moi, écrire un pilote sur un milieu très particulier aux États-Unis, je ne sais pas, sur le milieu du football américain texan. Tu veux faire Friday Night Lights. Voilà, Friday Night Lights. Moi, je ne saurais pas les dialoguer différemment de New Yorkais. Hein. Enfin, ouais. Si je devais écrire mon pilote, maintenant, si je devais écrire un spec de Friday Night Lights maintenant, alors que j'ai tant d'épisodes à disposition, je suis certaine, ouais, pour le coup, d'arriver copier, à bien emprunter la bonne musicalité, le bon lexique pour chaque personnage et tout ça. Ça je le saurais. Mais écrire comme ça, moi, un pilote, je ne sais pas si je fais les différences. Voilà. Et comment ça se passait ? Il y avait une salle d'écriture ? Sur Borgia, non. Non ? Non. Et non, c'est le grand truc, c'est tu as appris à travailler à l'américaine, mais en fait, il n'y avait pas de writer's room. Non, en fait, Tom ne travaille pas comme ça. Ouais. Il a écrit, là, sur la saison 3, il a écrit les arches et des synopsis, disons, avec son bras droit, qui était Brent Engelstein. Et ensuite, il distribue les épisodes à ses auteurs. Ce que j'ai adoré dans la façon qu'a Tom de travailler, c'est que on doit rendre donc on passe directement de l'outline de l'épisode à l'écriture des dialogues et il nous explique vraiment que la V1 c'est notre version, donc qu'on s'éclate. Ouais. C'est-à-dire que on a l'outline, donc on sait que surtout dans une série comme ça, on ne va pas s'amuser à changer l'histoire. finalement, Cesare va mourir dans mon épisode. Je trouvais que ça se prenait plus. Voilà. Du coup, évidemment, on ne changeait pas, il ne s'agissait pas de changer les grandes lignes de l'intrigue, mais on s'éclatait, quoi. C'est-à-dire, les instructions, c'était fais ta version tant que tu respectes les grands événements, éclate-toi, donc t'ajoutes tu crées de toute façon toutes les scènes que tu veux, parce que parfois c'était dans l'outline, il y avait parfois juste quelques éléments de dialogue qui lui parlaient. D'accord. Mais comme ça, il aimait bien l'idée d'un échange où ces deux personnages se disaient telle et telle chose. Après, à moi de voir si je l'intégrais, comment je l'intégrais, dans quelle scène, dans quelle situation, est-ce que... Donc, c'était pas des outlines très détaillés, c'était juste des points et après, j'avais une outline de 4 pages, donc c'était pas hyper détaillé, avec parfois des dialogues, ce qui fait encore moins détaillé finalement. Enfin, c'est-à-dire ça prend de la place. Et en même temps, bon, je savais ce qui se passait dans mon épisode, quoi. Donc, après, il y a de la recherche à faire sur ce genre de série, évidemment. Moi, déjà, rien que pour comprendre vraiment les enjeux qui jouaient à ce moment-là, je me suis bouffé mal. C'était une série particulière parce qu'un épisode pouvait couvrir 6 mois comme 2 ans. Enfin, c'est, au niveau temporalité, c'est difficile de créer des enjeux. Et t'as réussi à trouver avoir du plaisir à l'écrire sans que ça fasse un peu catalogue historique. Bon, bah, il se passe là, à cette date-là. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que j'ai eu... Je sais pas, hein, là, je dis comme ça, que je pense que j'ai été bien servie. J'avais vraiment un épisode génial. Mais je pense que j'aurais trouvé le même plaisir avec d'autres épisodes. C'est difficile de le dire, mais j'ai écrit... En fait... Au début, mon travail là-bas, pendant les 2 mois où j'étais dans les bureaux, parce que pour le coup, s'il n'y a pas de writer's room, il y a des bureaux et il y a toujours... Enfin, Tom n'est pas toujours là puisqu'il est sur le tournage. Enfin, de toute façon, il y a toujours l'un des trois. En fait, il y a Tom, Brent et Larry qui étaient... En fait, il travaille toujours comme à l'époque de Missine, en fait, où il partageait des bureaux et où ils avaient rendez-vous. Juste avec un rendez-vous au début avec tous les auteurs, au début de la saison pour placer les trucs et après chacun... Moi, comme je suis arrivée, la saison était déjà commencée. Ouais. J'ai même pas vu tous les autres auteurs de la série, moi. C'est vrai. Je les ai pas rencontrés tous, non. D'accord, ils t'ont caché dans un coin. La série était déjà en... la saison était déjà en écriture. Donc moi, j'ai pas rencontré tous les auteurs de la série. Mais en effet, oui. Mais pour le coup, nous, on se faisait des réunions avec Tom plus souvent, du coup. En fait, on se voyait une fois par semaine dans son bureau, voilà. avec Brent Ellery. Et du coup, au début, mon travail consistait à retravailler certaines scènes à partir de V1, en fait, d'auteur, ou parfois de V2, ça dépendait. Tom décidait de changer telle intrigue, il y avait soit pour des raisons de prod, soit parce qu'il voulait réécrire des choses. Hein. Mm-hmm. Et donc, il me donnait des scènes, ça a commencé par une petite scène qu'il voulait finalement ajouter dans cet épisode, ou qu'il voulait modifier, ou voilà. Et puis après des intrigues, et puis... Et ensuite, ouais, j'ai eu la bonne nouvelle, parce que c'était pas du tout prévu au début, ouais, d'avoir un épisode entier. Ça valide bien le travail accompli, quoi. C'est satisfaisant. Non, c'était un. Et alors la question fanboy un peu débile. Il est comment dans la vie, Tom Fontana? C'est un travailleur acharné, il est absolument passionné par l'écriture et ses projets. Et il est extrêmement, alors ça rejoint un peu d'ailleurs, c'est drôle ce que je disais tout à l'heure, hein, il est très protecteur, hyper paternaliste. Il crée une vraie ambiance de famille. Ça peut sembler un détail, mais moi je pense que c'est pas un détail. Non, du tout. On déjeune tous ensemble dans les bureaux tous les jours. D'accord. Et le déjeuner, c'est pas des déjeuners de bureau ou à la Société Générale où voilà, il y a la pause déj pendant une heure et puis on va tous déjeuner avec qui on veut, hein, seul, avec d'autres copains qui travaillent misérablement à la Défense ou tout ça. Là-bas, pour le coup, il n'y a pas de pause-déj. Enfin, la pause-déj, elle ne se passe pas ailleurs qu'au bureau. C'est-à-dire qu'on est... tous les matins, le menu passe à 10h ou 11h. On choisit tous notre menu. Et puis, entre midi et midi et demi, voilà. Et on est tous autour de la table. Et Tom... vraiment, enfin, tiens à ce que tout le monde soit là. Il n'y a pas de je suis débordée, tout ça. Non, le déj, donc ça, c'est un peu à l'italienne, je pense que c'est ses origines. Mais c'est vrai, ça fait vraiment la grande table familiale, quoi. Ouais, et puis, tu as aussi l'idée de garder le groupe malgré tout. Et de, bien sûr, ouais. Et puis avec jamais tout... que les idées puissent naître de là. Oui, on ne parle pas forcément de texte à ce moment-là, d'autant plus que dans les bureaux, tout le monde ne travaille pas sur Borgia. Ouais. À ce moment-là, il y a des gens qui travaillent. Il y avait la post-prod, il y avait d'autres séries. Mais c'était à New York. C'était à New York. Là, pour le coup, Tom. Oui, je sais. Enfin, il n'est pas né à New York, mais il est de Buffalo, mais je veux dire, c'est new-yorkais. Ouais. Du coup, c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant. C'est ça, en fait. Mmh, je pense que vraiment le... Du coup, à partir du moment où on est pro, c'est pas si dur que ça de travailler avec... c'est pas le chef impressionnant qui est inaccessible. Bah, déjà, il y a quelque chose de très rassurant, c'est qu'il choisit quand même ses collaborateurs. Alors... moi, je me souviens de la première fois où je l'ai vu, j'étais quand même hyper impressionnée. C'était à Paris pour un rendez-vous où je crois qu'on était 8 en fait à faire un test pour travailler sur la série. Et il avait présélectionné deux candidats, dont moi, donc qu'il rencontrait avant de faire son choix. Donc c'est hyper. Enfin, moi, j'étais très, très, très impressionnée. Et en fait, tout de suite, il met à l'aise, il joue le truc. Enfin, bon, voilà, je crois que les premières phrases qu'il m'a dites, c'est « Bon, j'ai eu ton texte, je l'ai trouvé admirable, machin. » Je réponds, je dis « Ah, bah oui, bah, bien sûr. » Vous aussi ?« Oui, moi aussi, j'aime bien ce que vous faites. » Voilà. Il met à l'aise. Et c'est vrai que c'est rassurant, en fait, d'être choisi, de se dire que c'est pas... C'est personne d'autre que lui qui a choisi, quoi. Il a lu les trucs et c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui rencontre les candidats et c'est lui qui a choisi. Et voilà. Et... ce qui est logique d'ailleurs, parce que derrière, c'est lui qui va faire avec les gens qu'il a autour de lui. Donc s'il les choisit pas, ça peut être très problématique. Ah bah oui, quoi. Ouais. Et du coup, ça n'enlève pas la pression, parce qu'il y a une pression de dingue quand on arrive sur une série pareille. Mais bon, on a ça pour se rassurer, quoi. Il m'a choisi après. Mais grosse pression, évidemment. Un autre monument de l'écriture, Frédéric Krivine. Ouais, absolument. C'est quand même deux. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ça va, tranquille. Non, c'est génial. Et c'est drôle parce qu'on retrouve, il y a quand même quelques points communs, notamment le plaisir de la table et d'être réunis autour d'une table. Mais en plus, évidemment, enfin, des points communs évidents, le talent et tout ça. Mais Frédéric, je l'ai rencontré sur Odysseus, en fait. Moi, je fais partie du SAS depuis très longtemps, donc j'en entendais parler tout le temps. Plusieurs amis du SAS travaillaient sur Un village français. Moi, je regardais cette série que j'adorais et voilà. Et puis, bon, c'était, il n'en avait jamais été question. Et je rencontre Frédéric, en fait, sur complètement autre chose, donc Odysseus. Et ça se passe très bien. Je suis pareil, impressionnée au début. D'ailleurs, les fameux ateliers de deux semaines qui tombaient à Noël avant que je retourne à Los Angeles, je n'ai pas dit un mot. En fait, j'ai écouté, j'ai pris des notes. Je n'ai pas dit un mot. Puis après, quand il a fallu travailler, c'est là qu'on a échangé des mails et tout ça. Et là, ça s'est très bien passé. Et voilà. Et après, moi, j'étais encore aux États-Unis. Et il m'a dit, quand une place se libère sur Un village français, je voudrais que tu rejoignes l'équipe. Et c'est arrivé quelques mois après mon retour des États-Unis. Donc tout s'est vraiment très bien goupillé. Et voilà. Et j'adore. J'adore bosser avec Frédéric. Ouais. Et comment ça se passe justement dans le fonctionnement ? On en avait parlé un petit peu avec Frédéric Azemar. Le fait qu'il fonctionne quand même en salle d'écriture. Et après, alors, derrière, là, pour le coup, en fait, si je travaille à l'américaine, c'est avec Frédéric, c'est pas avec Tom. C'est... en fait, c'est ça l'histoire. Ouais, là, on bosse vraiment en atelier. On s'est vu là sur la dernière saison. Ouais. Donc, c'était ces derniers mois, les ateliers. On s'est vu trois fois par semaine, de 10h à 16h. Officiellement, sachant qu'en fait, justement, il y a le plaisir de la table et de continuer d'échanger. On arrêtait vers 1h30 pour se faire notre pause déjeuner. Ou en fait, on continue. En fait, Frédéric, il croit énormément dans le pouvoir du ressassement. En fait. D'accord. Donc, on ressasse. Et du coup, voilà, on échange comme ça pendant des mois. On parle des personnages. De leur trajectoire, de tout ça. On essaye de creuser. En fait, l'idée, c'est de creuser, d'évoquer le plus de possibilités possibles. Et après, on élimine au fur et à mesure. D'accord. Donc, vous travaillez les arches tous ensemble. Oui. D'accord. C'est ce travail-là qu'on fait. Comment atelier. Ça se passe, en fait Frédéric arrive avec des idées préconçues ou pas du tout? Là, comme c'est une série historique, de toute façon, il arrive avec deux, trois. Forcément, deux, trois balises. Ouais. Et surtout, il arrive avec une thématique pour la saison, à chaque saison, en fait. Donc, pour la saison 6, par exemple, dont la première partie a déjà été diffusée, c'est la sauvagerie. Pour la saison 7, c'est une autre thématique. Et donc, il arrive avec ça, et c'est ce qui va nourrir tout notre travail, en fait, la façon dont on va penser ce qui peut arriver aux personnages et puis toutes les scènes. En fait, il y aura cette résonance-là, normalement, si c'est bien foutu. Je pense qu'on peut faire confiance à Frédéric pour que ce le soit. Il y aura, voilà, c'est cette thématique résonnera tout le temps. Normalement. Et donc, il arrive avec ça. Et ça, rien que ça, exposer ça, discuter de ça, voir les implications que ça a, ce que ça peut, c'est déjà beaucoup, beaucoup de temps, en fait, de discussion. Et puis des points historiques. Bon, il est absolument blindé sur la période. Oui. Il a, Frédéric Azema, Jean-Pierre Azema, le consultant historique sur la série. Oui. Avec qui il échange régulièrement. Et donc voilà, il arrive avec ça. Et là-dessus, on n'écrit pas du tout tout de suite les post-it et tout ça. D'accord. On parle, vraiment on parle. Okay. Et on ressasse beaucoup. Et voilà, et on rebondit sur une idée. Et on ressasse, c'est-à-dire qu'on répète, parfois on se re-raconte ce qu'on s'est déjà raconté. D'accord. Et on creuse les possibilités. Il n'y a rien, mais vraiment rien n'est jamais gravé dans le marbre. Au début, même quand on se dit, ouais, cette idée, elle est vraiment géniale, tout le monde accroche et tout ça, on ne sait pas combien de temps elle va tenir, en fait. Peut-être D'accord. que 3 semaines plus tard, on va se dire, ah oui, mais alors là, on a tellement un truc qui fonctionne à côté que ça va faire doublon, ou il va y avoir... Bon, bah tant pis, on va lâcher. Il y a combien de personnages principaux à gérer quasiment maintenant sur le village français? Il faudrait que je recompte en direct là. Je sais pas comme ça, mais au final, on a là sur la saison 7, on avait 7 storylines, ce qui est beaucoup. Normalement, on s'arrête à 6 et là, on en a 7. Ouais. Et donc, storylines, c'est vraiment une unité de personnages, donc un couple, un trio, une famille, peu importe, mais genre un ensemble, une cellule de personnages, quoi, disons, avec un personnage point de vue. Et comment ça se passe alors? Vous discutez beaucoup, vous emmagasinez des informations, vous repoussez les trucs, vous ajustez, après vous commencez à faire le travail peut-être plus écrit et la mise en place. Vous pensez d'abord en cheminement des personnages plutôt qu'en épisode, ou comment ça se goupille? On ne raisonne pas du tout en épisode. D'accord. Vraiment, pendant très très longtemps, on ne raisonne absolument pas en épisode. Ouais. On est vraiment juste sur les personnages. Et... Alors, il y a des grandes balises. Donc, ce n'est pas fixé en termes d'épisode, mais on sait, surtout sur une série... Là, par exemple, pour la saison 7, on sait... Donc, il y a 12 épisodes. Ils ne vont sans doute pas être diffusés dans un d'un bloc. Coup. Ouais, d'accord. Ce qui peut changer les choses aussi. On raisonne. Là, on a vraiment creusé le premier bloc. D'accord. Mais on, évidemment, et en plus, parce que c'est la dernière saison, on parle forcément de la suite. Hein, mais on a, disons, plus développé le début, ce qui est normal. Hein, mais... Et donc, on sait des grands, disons, je sais pas, un grand canevas des grands événements qui vont se passer, des grandes arènes de la saison, quoi. Je sais pas, pour la saison 5, il y avait le maquis. On savait qu'il allait avoir une chasse pour retrouver le maquis d'Antoine et que ça allait occuper. Hein, bon. Où on sait que pour d'autres saisons, tel personnage, lui, on sait que c'est la fin, il va falloir dire au revoir. On sait ce genre de choses, et donc, à partir de ça, nous, on creuse les possibilités pour chaque personnage, en fait. Et seulement après, vous, les Américains diraient breaker. Mais très, très tard sur un village français. Là, pour donner l'exemple de la saison 7, alors après, sur les premières saisons, je ne sais pas comment ça se passait, mais quand même, sur les autres saisons sur lesquelles j'ai travaillé, c'était tard aussi. On break la saison, même pas encore le détail des épisodes, mais là, par exemple, on a commencé, si je ne dis pas de bêtises, la première semaine de décembre, les ateliers. Ouais. On a terminé le 20 février. On a fait décembre, janvier, février, en gros. Et on a vraiment mis les post-it la dernière semaine seulement. C'est vrai? Ouais. Alors après, on a mis les post-it, il y avait des trucs qui devenaient assez clairs sur les premiers épisodes, notamment. Oui, oui. On raisonnait pendant tout, pendant les 3 mois avant de mettre les post-it verticalement. C'est-à-dire, la façon dont le tableau s'organise, c'est en vertical, en gros, il y a les storylines. Ouais. En horizontal, il y a les numéros d'épisodes. Ouais. Et nous, pendant les ateliers, on raisonnait vraiment par storyline. C'était bon, sur Berriot, Lucienne, tout ça, on a quoi ce qui se passe entre eux, pour lui, pour elle, qui sont, voilà. On creuse et on creuse et on creuse toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer sur la saison. Ensuite, on passe à Antoine. Qu'est-ce qui arrive à Antoine ou Daniel, Hortense, tout ça. Donc on raisonne pendant les 3 mois. En vertical, quoi. C'est-à-dire, on passe d'une storyline à l'autre. Après, évidemment, je veux dire, on s'interdit jamais quand on est sur une storyline, on parle, hein, donc c'est oui, oui, oui, ça fait c'est des allers-retours. Voilà, quand on rédige les comptes rendus, parce que c'est pendant 3 mois, en fait, à la fin de chaque réunion, quelqu'un prend en charge le compte rendu. C'est parfois casse-tête, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est une discussion, hein. Donc, on est en train de parler de Berriot-Lucienne et puis on fait une parenthèse sur, mais qui est censée durer 3 secondes. Ah, au fait, j'ai oublié, je pensais l'autre jour parce que Hortense, il pourrait, nanana, et puis finalement, on va creuser parce que quelqu'un remondit et ça va, on va parler pendant 1 heure d'Hortense et puis après, on repasse à Berriot-Lucienne. Ah oui, on disait quoi, mais et voilà, donc c'est, c'est pas toujours évident. C'est mais... toujours la même personne qui fait le compte rendu ou ça, ça non, ça tourne, ça tourne. Ouais. Ouais, ça tourne. Donc il y a le fameux. Ah, mince, c'est moi aujourd'hui. voilà. Il y a personne qui enregistre sur un petit dictaphone Non. Non. Enfin, à ma connaissance, personne ne l'a fait. Mais, Peut-être Frédéric Non, Kévin, mais de toute façon, on prend tous. En fait, on prend tous des notes pendant la réunion. Oui, bien sûr. Après, c'est un travail d'arriver à rendre ses notes lisibles, de faire le tri. Enfin, voilà. Et chacun a son style de compte rendu, d'ailleurs, c'est marrant. Mais voilà. Et donc, on essaie de. D'ailleurs, dans les comptes rendus, de mettre un peu en évidence les nouvelles questions qui se posent, celles auxquelles on n'a pas encore répondu. Voilà. Et justement, comment tu, vu que c'est un travail qui est vraiment collectif, a priori, comment tu appréhendes ces périodes-là sur un village français? Pendant ces 3 jours, je suis un village français de 10h à 16h et après je coupe parce que je dois avancer avec le reste du groupe. Ou est-ce que ça te suit? Toi, tu continues de réfléchir à des choses ou est-ce que tu passes sur un autre travail? Enfin... Notre boulot, c'est d'arriver avec quand même des propositions. D'accord. Donc, on y pense entre deux séances. Alors après, entre deux séances. Enfin, on y pense forcément sur les 3 mois d'atelier. Bien il sûr. Y a évidemment des moments où qu'il faut prendre pour creuser un peu. Ça ressasse. Enfin, il y a une partie qui se fait sans même en être consciente. Hein, bien sûr. Et il y a une partie où faut se mettre un peu à son bureau et commencer à écrire quand même 2-3 trucs pour clarifier les choses, pour identifier certaines questions et donc essayer de trouver des solutions. Et puis voilà. Et puis très souvent c'est comme ça. C'est on propose quelque chose, c'est non. Tout de suite, d'ailleurs, Frédéric, généralement, toute phrase commence par non et perd. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que moi, en fait, je l'avais pas vraiment remarqué. C'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Mais, mais moi, ça m'avait pas frappé. Donc, je suis pas certaine que ce soit si vrai que ça. D'accord. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de ça. Il y a non. Mais ce qui pourrait se passer, c'est. Mais, et ça, pour le coup, c'est la dynamique est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Pour le coup, c'est à l'inverse de ce qui est appris chez les Américains où dans une salle d'écriture, tu dois commencer une phrase par oui, mais pour le coup, quand tu... Oui, mais en fait, on s'en fiche complètement parce que fondamentalement, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est-à-dire qu'à part dire oui, mais, parce que si je dis n'importe quoi, évidemment, mais si la proposition, c'est s'il est arrivé avec un pantalon troué, il a un gros problème, il doit se changer parce qu'il va à une cérémonie, et qu'aux États-Unis, on répond oui. Mais en fait, il pourrait plutôt arriver avec un pneu crevé dans sa voiture qui le bloque. Bon, bah, finalement, ça veut dire non. Mais donc, ça, c'est... voilà. C'est, ce qui est important, c'est de rebondir. Et Frédéric, il rebondit tout le temps, en fait. C'est une machine à rebondir, ouais, pour ça, vraiment. Non, mais c'est hyper intéressant parce que... bon, après, je ne sais pas, hein, les susceptibilités des uns et des autres, mais... je crois que l'idée c'est de faire rebondir, donc c'est pas de proposer. Et puis vraisemblablement, il écoute quoi, c'est quoi. Pas. Bien sûr, mais d'autant plus qu'il y a plein de fois où c'est non parce que je sais pas quoi, et puis 3 semaines plus tard c'est oui, ou 2 heures plus tard c'est oui, mais sans. Il y a même aucun souvenir que cette idée était venue, avait été écartée, encore moins de qui avait proposé quoi, à mon avis. Enfin, on s'en fiche. C'est compliqué, quoi. C'est de compliqué toute façon, en plus. Il y a une idée qui revient et finalement, ça s'avère être la bonne, alors qu'elle avait été écartée. Et puis, en fait, voilà. C'est compliqué dans une salle de savoir qui a eu l'idée à un moment. Des fois, ça se perd tellement dans la masse. Ouais. Non, mais d'autant plus que c'est jamais des idées finies, quoi. C'est, mm-hmm. C'est le début d'un truc, quelqu'un ajoute que là, là, là, et puis. Et du coup, c'est assez libre comme ton. Vous pouvez à peu près proposer tout. Vous sentez en confiance et. C'est vraiment le but de Frédéric pour le coup, c'est qu'on puisse proposer plein de choses. Ouais, absolument. D'accord. Donc c'est bien. C'est plutôt une excellente expérience. Tu reprends quand? Là, un village. Alors sur cette saison, Frédéric va écrire tout normalement. Donc on va voir si on refait. Ouais, pour la dernière saison. Parce que normalement, sur les autres saisons, à partir des ateliers, on se répartissait les épisodes, ce qu'on n'a pas fait cette fois, du coup. D'accord. Et chacun repartait avec un séquencier à écrire et ensuite des dialogues. Ah, d'accord. Donc là, il vous a fait travailler sur les outlines et derrière, en fait, il écrit... C'est vraiment très spécifique à cette saison. Mais, d'accord. Ouais, c'est marrant. Normalement, à ce stade, on repartait chacun avec un séquencier. Ouais. Et on avait plus breaké quand même que ce qu'on a fait là. D'accord. Normalement, on arrivait à un stade un peu plus. Enfin. Donc là, ça ne reprend pas pour toi si pour la deuxième partie, non, le deuxième peut-être que pour le deuxième bloc, parce que là, on a quand même beaucoup plus développé le premier, peut-être que pour le deuxième bloc, il y aura reprise des ateliers, mais ce ne sera pas avant longtemps. D'accord. Et là, tu travailles sur quoi en ce moment ? Et là, je travaille sur Hôtel de la Plage, d'accord. Où il y a une saison 3 en écriture, et avec Frédéric Faure, mon co-auteur historique, et j'adapte une série espagnole pour TF1. Enfin, d'accord. On propose à TF1. J'ai écrit le pilote dialogué, et là, j'écris l'épisode 2. D'accord. Voilà. C'est bien parti, tu le sens bien. Moi j'adore. Ouais. Ce qui est important. Tu peux dire de quelle série il s'agit ? Oui, c'est l'adaptation d'une série qui s'appelle Les Bracelets Rouges, qui est une série catalane, qui a été un gros carton d'abord en Catalogne, puis en Espagne, qui a déjà été adaptée par l'Italie. D'accord. Un gros carton en Italie aussi. Et c'est sur un service d'enfants malades dans un hôpital. D'accord. Donc, des enfants gravement malades, quoi, des cancers et tout ça. D'accord. Voilà, des enfants, enfin des ados, en fait. Ok. Des ados et voilà. Et moi, j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a une vraie double originalité. C'est qu'on est, on est dans une série qui se passe dans un hôpital, mais on est du point de vue des patients et non pas des médecins. Et ensuite, du point de vue de patients qui sont adolescents, et évidemment qu'on suit les familles et tout ça, mais c'est... Voilà. Et comment se passe ton travail d'adaptation ? Tu as repris des scripts existants ? J'ai vu les épisodes. Du concept, une pseudo-bible, et après t'écris... J'ai vu les épisodes, j'ai changé pas mal... Les Italiens, par exemple, sont restés très très très proches de la série d'origine. D'accord. Moi, j'ai changé pas mal de choses sur des personnages déjà, donc ça change pas mal. D'accord. Donc t'es pas sur les mêmes arches, c'est pas. Ça va pas. Pour les deux premiers épisodes, il y a des grands événements qui sont identiques. Oui. En revanche, les caractérisations changent, donc sur la longueur, ça va s'en éloigner de plus en plus. Et ensuite, dans le détail, là déjà du pilote, il y a des choses complètement différentes. Des choses que t'as changées. D'accord. Ouais, complètement différent. C'était la première fois que tu faisais un travail d'adaptation ? Oui, c'est ouais, première fois. Qu'est-ce que t'en retires ? Bah, je trouve ça hyper intéressant. Bon, moi, j'aime beaucoup la série espagnole. Ouais. Je trouve qu'elle a une sincérité de ton qui m'a tout de suite plu. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime et quelques éléments vraiment que j'arrive à identifier assez clairement que j'avais envie de changer, en gros. Et donc, c'est un bon... Enfin, des bonnes conditions pour l'adaptation, quoi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut changer, ouais. On sait ce qu'on veut garder. Bon, le défi, évidemment, consiste à arriver à changer ce qu'on veut changer tout en gardant ce qu'on aime. Et, bon. Mais c'est des très bonnes conditions pour une adaptation. Ouais. Et puis, ça a du sens de le faire, je pense, vraiment... Voilà. Et puis là, tu passes sur c'est du 52 minutes. Les Espagnols, c'est un format un peu bizarre, c'est non du c'est du 40. C'est 70. Non, là, c'est du 40, là. Chez les Espagnols, là, oui, c'est du 60. D'accord. C'est du 40. Ouais, si je dis pas de bêtises, d'accord. 40. Ouais. D'accord. J'avais entendu pas mal de 70 minutes là-bas, en fait. Non, là, pour le coup, c'est bâtard, plus court. Mais c'est, je me demande même si c'est pas un peu moins que 40, en fait. C'est vraiment... D'accord. Mais pour le coup, on n'est pas du tout dans la demi-heure comédie. Hein. C'est du drama, c'est... mais je crois qu'on est plutôt autour de 40 d'accord. Sur cette série. Et donc là, tu passes à du 52, donc forcément, c'est oui, pas, ça, c'est ça, pas ça le même va changer rythme, les choses, bien sûr. Ouais. Non, c'est hyper intéressant, en fait, comme travail. Oui, j'imagine. Ouais, ouais. Première adaptation, ça me plaît beaucoup. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans le processus, en fait, l'écriture de Bible, carrément l'écriture des épisodes, les dialogues, qu'est-ce que tu préfères le plus ? Alors, pour moi, la Bible, c'est une formalisation du concept. Mmh. La Bible, en tant que document écrit, pour moi, elle s'écrit à partir du pilote. C'est en même temps, en fait. C'est qu'on a... Je pense qu'il y a un concept, donc il y a des personnages. C'est important de noter plein de choses déjà, évidemment, sur les personnages et tout ça. Faut être capable de formaliser le concept, enfin de l'écrire clairement. Mmh. Donc pour ça, la Bible, c'est important. Après, en tant que tel, pour moi, tout se refait avec le pilote. C'est que même dans les idées de personnages... Il y a plein de choses qu'on écrit et puis ça ne va pas apparaître, en fait. Donc, ça ne veut pas forcément dire... Il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement invalidées, mais on a l'impression que c'est un vrai truc. En fait, on se rend compte que ça restera peut-être une caractéristique du personnage, mais en fait, dans le pilote, on se rend vite compte que ça ne va pas être sa caractéristique majeure parce qu'on ne la joue pas, en fait. Ouais. Donc, ça pourra apparaître dans un autre épisode ou je ne sais pas quoi, mais c'est en fait, clairement, ce sera un détail du personnage. Et pour moi, c'est un aller-retour incessant entre la Bible et le pilote. On redéfinit les personnages, on se rend compte qu'il faut plutôt quelqu'un de comme ça. Et ça, on ne peut pas le voir à la lecture de la Bible. Enfin, c'est vraiment, ça se teste, quoi. Pour moi, la Bible, c'est un travail préliminaire à l'écriture du pilote. Et ensuite, elle se retravaille quand on a le pilote pour... après, pour moi, une bonne Bible, après, c'est un document qu'il faut voir comme un document de travail pour d'autres auteurs déjà qui rejoignent la série, pour savoir plein de choses, parce qu'on a décidé, je dis n'importe quoi, hein, y a des choses qui se décident en épisode 3 où finalement on fait apparaître une sœur, on n'avait jamais précisé que tel personnage avait une sœur. Et ben maintenant, dans la Bible, on peut ajouter elle a une sœur, parce que si jamais il y a un épisode 17 avec un nouvel auteur, faudra lui dire, bon bah tiens, si t'as besoin d'infos sur les personnages, voilà, c'est ce genre de choses. Mais... Ouais, c'est plus un plan qu'un... Et, oui, c'est... Voilà. Ouais. Et du coup, ce que je préfère écrire, non, c'est certainement pas les Bibles. Enfin, les Bibles, parce que j'adore développer des projets de série. Oui, construire un univers, donc, tout ça. Évidemment, penser des personnages et tout. Donc, à ce niveau-là, oui, dans ce cas, j'adore écrire une Bible. Mais non, je m'éclate quand je teste vraiment quand les... Quand tu fais les dialogues entre les personnages, quand tu les mets face à face. Ouais. Oui, oui. Quand je pense aux situations, quand je vois vraiment comment ça va progresser, est-ce que le conflit est fort, est-ce que... Ouais, tu dépasses le fantasme et tu te rends compte de ce qui fonctionne, est-ce que ça apporte, ce que tu n'avais pas forcément vu venir d'ailleurs. Ouais. Absolument. Et tu as tendance à présenter quoi, des prods ? Les Bibles ou des fois tu y vas carrément avec le pilote ? Non, alors honnêtement, pilote, j'ai pas. Je veux dire, à part quand le CNC, quand je gagne un fonds d'innov au CNC qui me permet de développer mon pilote, j'arrive pas à la prod avec un pilote. Donc je propose. En fait, maintenant, ce qui se passe de plus en plus souvent, c'est que je vois des prods avec qui j'ai envie de travailler. Mmh. Et soit on se rejoint, soit j'ai une idée, un embryon d'idée, machin, et puis on se renvoie la balle. Soit eux arrivent avec une idée et on voit si on trouve quelque chose, quoi, si on trouve la bonne approche. Voilà. Donc maintenant, je crois que ça fait longtemps que j'ai plus écrit de Bible pour les présenter à un producteur. Quoi. D'accord. Et j'aime beaucoup l'idée de discuter ensemble. Enfin, c'est comme ça qu'il y a des idées qui naissent. Et d'avoir une bonne, un bon rapport avec le producteur oui. avant pour. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais. Bien sûr. Bon, on va finir sur ce que tu regardes en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment accroché, que ce soit à la télé ou au cinéma, et qui te. Alors oui, mais c'est une série que j'ai découverte très tardivement, ouais. mais qui m'a complètement bouleversée. Ouais. Je trouve ça génial. C'est The Good Wife, ouais. que j'ai découverte genre en septembre, ouais. vraiment très tard. En fait, j'avais commencé, c'est assez marrant, hein, j'avais commencé à regarder le pilote il y a, je sais pas, peut-être 2 ans. Mm-hmm. Et ça m'avait, je sais que j'aime les États-Unis, mais vraiment semblé beaucoup trop américain pour moi. J'étais, d'accord, moi, je ne ouais. pourrais pas m'identifier à ces personnages, c'est pas possible, c'est pas mon délire. Ça change beaucoup. Politique. Et ça change beaucoup, beaucoup. Et en fait, je trouve ça formidable. Je pense que c'est l'une des séries les mieux écrites. Je suis absolument admirative. Oui. C'est des grands moments, quoi. Et dans certaines scènes, des détails, je suis là, c'est pas possible, c'est trop bon. Et dans, en pensant même aux grandes lignes narratrices de cette série, je suis absolument fascinée par l'écriture. Et puis c'est monumental, mais sur des enjeux qui paraissent de l'extérieur assez mineurs. Et, ouais. Mais pour eux, ça bouleverse tellement leur existence que c'est. Ah, c'est formidable. T'en es où ? Là, maintenant, j'en suis celui de dimanche soir. D'accord, donc t'as bien. Ah, bah là, en quelques mois, j'ai regardé les 5 saisons, ouais, ouais. Plus le début de la 6e, quoi. Je suis vraiment. Ouais. Et non, je trouve qu'ils ont. Enfin, il y a une audace folle. Enfin, c'est remarquable, quoi. Tous les personnages secondaires sont géniaux, ils ouais. ont aussi bien travaillé. Enfin, c'est le royaume du guest, hein. Oh. C'est. Quand il y a un guest qui vient, c'est jamais, ouais. Jamais un mauvais rôle. C'est toujours. Je suis absolument fascinée par cette scène. Ah, mais je comprends. Ouais. Ouais, À part le rattrapage massif de The Good Wife. The Good Wife, j'ai regardé The Affair qui m'a ouais. plu. Ouais, ouais. Mm-hmm. Et dans un tout autre genre, et là aussi, là pour le coup, c'est vraiment un petit bonbon, c'est Épisode. D'accord. Avec Matt LeBlanc qui d'accord. joue son propre rôle, et je trouve ça très très drôle et sur le monde en plus. Oui, oui. Voilà, sur des personnages de scénaristes et de. Ouais, ça j'adore. Et une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais beaucoup bossé sur Californication pendant tes études à Los Angeles. T'as ouais. fini Californication ? Je n'ai pas fini Californication, non. Je suis pas super surpris. Bah non, je me suis arrêtée. Je ne sais plus quelle saison, mais il y avait un truc qui commençait à. Ouais, ça baissait un peu. Enfin, ouais, ils n'arrivaient plus complètement à tenir le truc d'origine. Absolument génial du début, quoi. Alors que les premières saisons, je les ai vraiment adorées, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marie. Mais je t'en prie.